De là où je suis, je te vois tout le temps. Tu pleures un petit peu moins souvent. Je te parle même si tu n'entends pas. La force que tu as vient de moi. T'as pas le droit de culpabiliser. T'as fait de moi un gosse épatant. Tu ne m'as jamais fait pleurer. Jamais jusqu'à maintenant. Merci de m'avoir donné la vie. C'était court mais intense aussi. J'étais juste venu t'éclairer. Quand un soir on m'a rappelé. Éclairé quand soir on m'a rappelé.